Nick était regardé comme un sorcier, un évocateur d'apparitions fantastiques. On ne s'étonnera donc pas qu'il eût tiré ce pronostic relatif à la disparition prochaine du vieux bourg, puisque le hêtre était réduit à trois branches, ni qu'il eût hâte d'emporter la nouvelle à Verst. Son troupeau appartenait au juge de Verst, le biro Koltz. Et le troupeau allait s'engager entre les plis de la vallée lorsqu'un homme apparut au tournant de la Sille, une cinquantaine de pas en aval. C'est un colporteur qui finit par convaincre le berger Frick de lui acheter une lunette, une longue vue. Frick prit la lunette, dont les tubes furent ajustés par le colporteur. Puis, ayant fermé l'œil gauche, il appliqua l'oculaire à son œil droit. Tout d'abord, il regarda dans la direction du col de Vulcan, en remontant vers le Plaisat. Cela fait, il abaissa l'instrument et le braqua vers le village de Verst. Hé, dit-il, c'est pourtant vrai, ça porte plus loin que mes yeux. Voilà la grande rue, je reconnais les gens. Tiens, Nic Deck, le forestier, qui revient de sa tournée. Quand je vous le disais, fit observer le colporteur. Oui. C'est bien Nick, reprit le berger. Et quelle est la fille qui sort de la maison de Maître Koltz, en jupe rouge et en corsage noir, comme pour aller au-devant de lui? Regardez, pasteur, vous reconnaîtrez la fille aussi bien que le garçon. Eh oui, c'est Myriota, la belle Myriota. Ah, les amoureux, les amoureux. Cette fois, ils n'ont qu'à se tenir, car moi, je les tiens au bout de mon tuyau, et je ne perds pas une de leurs mignasses. Que dites-vous de ma machine? Eh, qu'elle fait voir au loin?